Bon, alors, moi, je vais vous expliquer que donc, je n'ai jamais, enfin, si j'ai été dans des écoles d'architecture à des réunions, mais je n'ai pas fait d'école d'architecture. En fait, je fais partie d'une fratrie d'elles, ce soit que des filles. Et donc, ma sœur cadette, Gwenaël Kerrien, est la rédactrice en chef d'Archiscopie. Et donc, je voulais être architecte depuis qu'elle était petite, elle était un peu peintre. La dernière sœur est peintre, l'autre est archéologue, l'autre avocate. Et moi, je voulais être sociologue. Et quand j'avais 14 ans, je voulais être sociologue parce que j'avais lu le manifeste du Parti communiste et je trouvais qu'il fallait le remettre à la page. Bon, mais... à part ça, donc, j'ai fait comme étude Sciences Po et licence de sociaux. Après avoir hésité à faire philo, mais en fait, je n'ai pas fait philo. Et parallèlement, c'est-à-dire, on est donc, moi je suis née en 45, on est là, en 65, j'ai rencontré par mes amitiés politiques Félix Guattari, qui a écrit avec Deleuze, l'Antiodipe et Émile Platon, qui à l'époque militait donc à l'extrême gauche. Et sur un problème qui était celui de l'heure pour les militants, qui était la guerre d'Algérie est terminée, les militants d'extrême gauche en France ont milité dans le soutien aux Algériens, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Alors les trotskistes disaient on va soutenir tous les mouvements d'indépendance nationale dans le monde. Les maoïstes ont émergé à ce moment-là, nous on soutient la révolution culturelle. Et il y avait donc un tout petit groupe animé par Guattari qui disait mais il faut faire la révolution ici maintenant. Maintenant, et puisqu'on est des intellos, enfin le contre-pied du communisme classique du Parti communiste, donc dans les professions auxquelles conduisent les universités, c'est-à-dire la médecine, l'architecture, etc. Et donc on a créé un truc qui s'appelle de manière ronflante la Fédération des groupes d'études et de recherche institutionnelles qui comprenait un groupe sur, donc il y avait des architectes, il y avait des médecins, il y avait des groupes de travail sur comment transformer leur pratique. Pour vous faire image, puisque vous êtes en école d'architecture, dans le groupe des architectes, il y avait notamment un certain Alain, non, il ne s'appelle pas Alain, un certain Antoine, pardon, Grimbach, Antoine Grimbach, qui s'était fait connaître dans son diplôme par l'idée qu'il fallait faire des expériences, fabriquer un peu des trucs communautaires avec des communautés qui n'existent pas, des leviers pour fabriquer de la communauté dans les villes nouvelles autour des micro-équipements collectifs. Il faisait partie donc de cette espèce de recherche de nouvelles pratiques architecturales. Il y avait aussi des instits. Et puis il y avait surtout un gros groupe de psychiatres autour d'un truc qui a joué un rôle important pour moi, pour nous tous, qui est la clinique de la Borde près de Blois. Clinique de la Borde qui a été fondée par Jean Houry en 1950, par là, et qui s'est caractérisé par le fait d'être capable de soigner beaucoup de gens sans mur et sans beaucoup de lits, et de créer toute une nouvelle pratique de la psychiatrie relativement émancipatrice pour les fous et pour plein de gens qui sont venus là en stage, etc., essayer de participer donc à ce travail de psychothérapie institutionnelle. Nom qui avait été donné par le médecin directeur de Sainte-Anne à cette pratique nouvelle qui consistait à ne plus enfermer les fous pour leur vie durant. Bon, je passe très très vite, je suis un peu concentrée. Et tous ces gens-là se sont retrouvés en 68 au mouvement du 22 mars. Moi d'ailleurs j'étais à ce moment-là étudiante en troisième cycle à Nanterre, avec Henri Lefebvre comme directeur de thèse. Et donc, on a fait 68. Et alors moi, mon idée n'était pas du tout d'aller dans l'urbanisme et l'architecture où se distinguait déjà ma sœur et mon père qui a été directeur de l'architecture de 62 à 68 au ministère de la Culture. Et donc je voulais m'occuper de l'école. De l'école et de la formation, et de la formation tout au long de la vie. Donc en fait, mon premier poste a été à l'Institut National pour la Formation des Adultes, qui était un truc créé par Bertrand Schwarz, pour réfléchir du point de vue de la recherche pédagogique, du point de vue des expériences de formation, à comment développer la formation des adultes en France. Il s'est heurté à des obstacles tant des patrons que de l'administration énormes. Et là, fort de l'expérience de la revue de recherche qu'on avait créée déjà à la Chérie, où j'ai assez vite participé à une équipe, petite équipe qui a créé la revue Éducation Permanente, qui existe toujours, qui est une revue donc, qui s'occupe d'éducation permanente, de formation des adultes, et qui, je crois, a atterri après moult péripéties à Dauphine comme lieu institutionnel. Bon, j'ai été là-dedans 4 ans, ensuite j'ai été 2 ans dans une association qui n'existe plus, qui s'occupait d'alphabétisation des travailleurs immigrés en marge de l'éducation nationale et qui a fermé parce que des gens ont piqué dans la caisse pour la donner dans le cadre d'élection à des gens qui garantiraient aux instituteurs payés par cette association de continuer à faire leur travail, alors que l'association venait de militer pour inscrire cette alphabétisation sur le temps de travail et plus en dehors comme ça se faisait avant. Mais parallèlement, donc à partir de peu après 68, enfin, donc on continuait la revue Recherche, hein, qui exprimait donc les idées d'un certain nombre de groupes de travail, et notamment a fait un numéro intitulé « Architecture, programmation et psychiatrie » en 70, par là, un peu après 68, il me semble, enfin j'en sais plus de date. Sur le point suivant, c'est que, en fait, les idées novatrices de Houry, de la clinique de la Borde, de soigner les fous sans les enfermer définitivement, étaient des idées qui avaient fait leur chemin à la faveur de la libération, etc., et de la critique des camps de concentration, au niveau mondial, à l'Organisation mondiale de la santé. La France était, comme toujours, un pays retardataire par rapport à l'application des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé de soigner les fous en ambulatoire et plus en enfermement. Donc le ministère de la Santé a envoyé 2 inspecteurs, à la fois médecins et architectes, double compétence, pour examiner d'abord, pour voir comment c'était possible de soigner 2000 personnes avec seulement 120 lits, et donc de pouvoir réintégrer les hôpitaux psychiatriques dans les villes. Et le travail avec ces inspecteurs là, a fait l'objet donc, d'un numéro de la revue Recherche, et lequel numéro a séduit des gens du ministère de l'Équipement qui ont un jour déboulé donc les locaux de l'Algérie devenue Serfi pouvoir être bureau d'études en disant voilà, est-ce que vous seriez d'accord, enfin, c'était une grande époque, est-ce que vous seriez d'accord pour si on vous donnait de l'argent pour développer vos idées. Et en particulier l'idée qui est inscrite à la page tant que l'État est toujours en retard d'une guerre pour penser les équipements collectifs. Alors nous, on a dit, bah, très très bien, oui, vous êtes d'accord. Et donc on a eu pendant 2-3 ans, donc époque bénie des dieux, pas mal d'argent venant du ministère de l'Équipement, en l'occurrence, pour travailler donc en retraduisant la demande, ce qu'on a appelé une généalogie des équipements collectifs, c'est-à-dire essayer de penser comment ce qu'on considère ici et maintenant, quand on est architecte et qu'on reçoit une commande comme un truc qui ne pose pas de problème, Hein, on va appliquer la commande et faire les bons bâtiments qui correspondent au nombre de mètres carrés donnés. Bon, comment en fait ces modèles ont été produits? Dans ce cadre-là, moi j'ai travaillé sur l'école. Comment l'école que nous connaissons, que même on répand en Afrique, l'école primaire, d'où vient cette école primaire? On se rend compte que quand même c'est un truc très bizarre, et encore aujourd'hui, parce qu'au fond, on a un système scolaire qui prétend éduquer tout le monde pour faire des bons soldats, notamment des bons citoyens et des bons travailleurs, et en réalité, les classes en très bon, bon, moins bon, pas bon du tout, et acheter au chien ou à peu près. Bon. Comment ça se fait donc qu'il y ait cette espèce d'échec récurrent d'une institution qui est portée par des tas de grands pédagogues et tout ça, et qui devrait être la meilleure? Donc, comme petit camarade, on a tous plongé dans les archives pour essayer de comprendre comment on avait produit des équipements collectifs. Et je me suis aperçue d'un truc très très, très curieux, c'est que la forme scolaire française, qui est particulièrement rigide, dont on nous dit qu'elle est laïque, elle a été créée par les frères des écoles chrétiennes, à la fin de la souveraine de Louis XIV. Elle s'est répandue extrêmement rapidement parce que les chefs d'entreprise de l'époque voulaient avoir des travailleurs dociles, sachant un minimum lire et écrire, et donc étaient favorables à cette forme scolaire. Sous la Révolution, comme vous le savez, les congrégations religieuses ont été interdites. Donc Napoléon, quand il est arrivé, lui, la Restauration, on dit qu'elle date de 1815-16, en fait, elle date de Napoléon dans ce genre de domaine. Napoléon a restauré les congrégations, notamment les frères des écoles chrétiennes, et on arrive donc à la Restauration, justement, avec une école primaire, où il n'y a pas beaucoup d'écoles primaires, bien que l'Assemblée législative de 1792 ait dit qu'il en fallait en créer partout, et il en manquait plein. Et surtout, donc, ce qu'il y avait partout, c'était les frères des écoles chrétiennes. Et dans l'état-major de la Restauration, il y avait des gens comme Guizot, entre autres, ou d'autres personnes, enfin il y avait une société pour l'amélioration de l'instruction élémentaire, tous ces gens-là étaient protestants, étaient liés au nouveau patronat qui se développait dans l'est de la France, et donc ne voulaient pas une école catholique. Donc ils sont allés chercher des idées chez les Anglais, et les Anglais eux-mêmes avaient trouvé des idées en Inde. C'est-à-dire qu'en Inde, il y a un état très curieux qui s'appelle le Kerala, au sud de l'Inde, où ils avaient inventé, je ne sais pas comment ils disaient en indien, mais en fait ce qu'on a appelé en français l'école mutuelle, c'est-à-dire une école où les bons élèves sont priés d'apprendre aux plus mauvais, et où tout le monde donc apprend en même temps. Il faut savoir que toutes les expériences prouvent qu'en faisant apprendre aux plus mauvais par les meilleurs apprennent encore mieux. Hein. Ce n'est pas du tout négatif pour les meilleurs. Bon. Donc, les Anglais avaient importé ça dans les prisons, et pour justement s'occuper des Indiens, etc. Et les Français sont allés recopier ça, et donc on crée des écoles mutuelles dans toutes les grandes, enfin, dans les grandes villes, dans les préfectures ou dans les sous-préfectures. Mais très rapidement, les informations revenant de ces villes, notamment par le patronat, c'était « mais ces écoles, elles apprennent aux enfants à répondre dans les entreprises, à s'organiser, ça ne va pas du tout ». Donc Guizot, quand il a fait sa lettre aux instituteurs, déjà il a changé d'avis, et en 1837, il crée ce qu'on appelle les écoles normales d'instituteurs, pour enseigner la méthode normale, c'est-à-dire la méthode des frères des écoles chrétiennes, qui se caractérise par le fait qu'on n'a pas le droit de bouger, qu'on a des cahiers pour que les parents puissent expliquer ce qu'on fait en classe, alors qu'à l'école mutuelle, on avait des ardoises qu'on effaçait au fur et à mesure, etc. Enfin, le modèle que nous avons connu qui devient la méthode normale, mais les frères des écoles chrétiennes sont dispensés de suivre les écoles normales, puisque, par définition, étant membres de la congrégation des frères des écoles chrétiennes, ils ont déjà la méthode normale par la congrégation. Donc on marche comme ça pendant une période qui va donc de Louis-Philippe, grosso modo, à Jules Ferry, pendant laquelle la méthode mutuelle est combattue par l'administration et par l'Église catholique et par les patrons. Et donc, quand on arrive à Jules Ferry, elle existe encore dans des endroits très reculés comme la Bretagne, mais elle n'existe plus dans l'ensemble de la France. Et tout est revenu en ordre. Et donc, Jules Ferry peut créer l'école laïque, gratuite et je ne sais plus quoi. Obligatoire, pas plus laïque, et dans laquelle les frères des écoles chrétiennes maintenant n'existent plus. C'est des instituteurs laïcs, mais formés à la méthode inventée par les frères des écoles chrétiennes. Et donc la taille de la classe, alors c'est un des enjeux architecturaux importants. Dans l'idéal de la méthode mutuelle, en fait, la classe doit être assez grande parce qu'on peut, on a des groupes qui bougent, etc. Et cette école mutuelle, comme elle est créée à la Restauration, très souvent, ils ont récupéré des couvents qui avaient effectivement des grandes salles. Mais à partir du moment où il faut construire des écoles, le souci d'économie fait que l'administration scolaire décide d'un espace vital pour les enfants extrêmement limité et aussi, puisque la méthode, c'est la méthode normale, en fait, on évalue à 40 le nombre d'enfants qui peuvent être tenus par un seul maître, alors que les écoles mutuelles pouvaient avoir jusqu'à 100 enfants travaillant par petit groupe. Bon. L'architecture a joué un rôle, effectivement, dans cette affaire, et aussi les architectes, si vous voulez, parce que les architectes, c'est des gens marrants, mais en fait, pour eux, ce qui est important, c'est que le jour où l'inspecteur et le maire, ou quelques notabilités, viennent voir l'école, il faut que cette école soit conforme, en ordre, etc. Et donc, l'idée de faire des grandes structures pour des grands groupes d'enfants soif, c'est pas architecturalement si intéressant que ça. Donc les architectes ont joué leur rôle, bon, ils étaient en plus, en général, il faut bien dire, de cette petite notabilité locale qui a construit la France. Donc notre école est une école qui organise littéralement la passivité des enfants pour être conforme à la méthode normale. Et donc, à partir de ce moment-là, un des problèmes de cette école commence à être, hein, on est à la fin du 19e siècle, le fait en effet qu'il y en a qui ne suivent pas. Alors là, intervient un type dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Binet, qui est un psychologue, et qui invente un test qu'on appelle le QI, la forme française du QI, parce que c'est aussi américain, etc. Et on classe les gosses, en fait, c'est les méthodes statistiques, le gosse normal il est à 100, les gosses meilleurs ils sont au-dessus, et les gosses moins bons ils sont en dessous, et en dessous de 80, on les évacue vers des écoles spécialisées. Hein? Et donc ce QI va accompagner le développement scolaire en redoublant scientifiquement l'opération de classement que fait l'école. Alors voilà, j'ai fait ce truc-là, produit d'abord dans... Ah oui, ça c'était marrant parce que... Donc on avait toujours la revue Recherche, donc ça a été publié d'abord dans la revue Recherche, et comme j'avais rêvé peu de temps avant, j'avais fait un rêve comme quoi il y avait écrit l'enseignement avec un A, comme la castration, parce qu'on vivait avec beaucoup de psychanalystes, et les psychanalystes, dès que vous voulez faire quelque chose et on vous en empêche, c'est la castration. Alors, donc l'enseignement, ça a été repris par un éducateur un peu excité, qui a écrit un bouquin intitulé L'éducastreur, je trouve qu'il est circuit d'aller un peu trop loin. Et après, ça a été réédité récemment, en 2004, dans la collection du Seuil, qui était au Seuil à l'époque, que maintenant la Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, qui est un peu dirigé par Isabelle Stengers. Et donc, sous le titre L'école mutuelle, deux points, une pédagogie trop efficace, point d'interrogation, puisque le problème c'était ça, c'était que ça fabriquait des jeunes indépendants d'esprit qui fondaient des syndicats, le Parti Socialiste Français, par exemple, installaient des trains à des endroits où on ne voulait pas les financer, des choses comme ça. Bon, Et alors, ce qui est rigolo, c'est que. Il y a une petite revue d'enseignants libertaires qui s'appelle Notre École N'AUTRE, et ils ont publié un article de moi sur ce sujet, ils ont voulu l'illustrer, et ils ont trouvé la dernière école mutuelle de France, après toute la répression que ça a subie, en 1890, environ, de 1890 à 1900, c'était à Guingamp, c'était là qu'étaient mes deux grands-parents, pas maternels, mes deux grands-parents. Bon, alors, donc au Cerfi, on a fait ça, et puis on était payés par l'État, c'était rigolo, quoi. Après 68, donc ils avaient envie de savoir qu'est-ce que les gauchistes qui les avaient tellement embêtés avaient dans le ventre, et notamment ce qui les avait beaucoup embêtés et qui a à voir avec l'architecture, c'est que en 68, il y a eu des défilés, notamment les rares défilés qui ont eu lieu en banlieue. C'était sur le thème, en centre-ville métro d'Odo Yomama, mais HLM, non à la déportation. C'est-à-dire que là où il y avait des projets de, non pas de réhabilitation à l'époque, mais carrément de destruction de quartiers insalubres et de remplacement par des HLM, les gens commençaient à se battre contre le remplacement par des HLM en disant que. Ceci qui avait commencé dans les années 55 à peu près, avec les ZUP et tout, en fait, on constatait une perte des liens sociaux, plus de délinquance, etc. Et donc, il y avait un début de mouvement anti-HLM. Il faut bien dire que les hauts fonctionnaires qui étaient au ministère de l'équipement, en l'occurrence, et. Dans les autres ministères, ils étaient sidérés parce qu'ils croyaient faire le bien en construisant des HLM. Mon propre père, qui était donc là-dedans, on nous emmenait, nous, le dimanche, visiter Sarcelles, Grigny-la-Grande-Borne, tout comme ça, pour nous montrer comment on construisait le bien du peuple. Bon, et donc, dès qu'on se posait des questions, on disait, mais vous vous rendez compte, ces horribles groupes qui sont là, c'est pas possible. Alors, il y avait vraiment cette idée quand même de comprendre ce que ce mouvement avait dans la tête, mais dès que Giscard a été élu, c'est-à-dire 1974, fini de rigoler. Hein. Et donc, les grands appels d'offres auprès de toute la gauche et l'extrême gauche pour comprendre ce qu'ils avaient dans la tête, alors il y a eu un mouvement syndical de chercheurs assez fort, qui a obtenu l'intégration à l'université ou au CNRS de la plupart des chercheurs qui étaient payés hors statut. Bon. Il faut ajouter que, par exemple, le type qui était responsable du programme de recherche au ministère de l'Éducation, qui s'appelait Michel Conan, c'est quelqu'un qui avait été choisi pour le ministère parce qu'il avait fait sa thèse aux États-Unis sur les problèmes de comptabilité publique, de RCB, etc. Donc il pensait qu'il serait très sage en France. Et en fait, en France, il a été complètement au contraire le soutien de tous les groupes un peu contestataires. Et donc il a été aussi poussé au CSTB, d'ailleurs, après ça. Mais donc cette période faste a été supprimée. Les chercheurs intégrés au CNRS souvent sont allés dans. Ah oui, donc ce que je voulais dire, c'est que quand il a commencé son boulot sur qu'est-ce que la recherche française a à dire de l'urbain, il y avait Henri Lefebvre, bon, dont évidemment les autorités ne voulaient en aucun cas, puisqu'il était l'inspirateur direct des contestataires. Et puis, Paul-Henri Chaumard-Delhove, et dont les autorités ne voulaient aussi en aucun cas, parce que dans un genre beaucoup plus réformiste, en fait, c'était quand même quelqu'un qui proposait grosso modo d'augmenter les équipements collectifs, les équipements sociaux, etc. Donc c'était, comme aujourd'hui, une atteinte au budget de l'État. Hein. Donc il ne voulait pas de ces gens-là, donc il voulait de nouvelles idées, des contestataires, mais qui ne coûtent pas trop cher. Conan a remarqué qu'il n'y avait pratiquement aucune autre équipe universitaire à l'époque au CNRS travaillant sur les villes, sauf un monsieur qui ne s'appelait pas Poutou, mais presque, un nom dans ce genre-là, qui travaillait sur la ville au XVIIIe siècle, et puis un autre aussi qui avait fait sa thèse sur Caen au XVIIe siècle. Mais il n'y avait rien de contemporain en dehors de Lefebvre et Chaumard. Et après l'intégration, les chercheurs ont été priés de travailler sur d'autres sujets que l'urbain. Donc ils ont travaillé sur le travail, le chômage, etc. Et petit à petit, donc, le CERFU, le centre de recherche, a explosé, comme toujours il y a plus de fric. Mais ce Conan-là m'a embauché mon ministère dans l'équipe qui nous donnait du fric avant. Donc j'ai basculé de chercheur à, comment on appelle ça, gestionnaire de recherche. Et comme j'avais géré éducation permanente et recherche, et une autre petite revue sur l'alphabétisation qui s'appelait Vivre en France, le type qui avait été nommé pour s'occuper des annales de la recherche urbaine s'est malheureusement suicidé parce qu'il devenait aveugle, j'ai pris sa place avec l'idée de développer les relations chercheurs-professionnels de la façon suivante. Eux, ce qu'ils avaient pensé dans la première phase des annales de la recherche urbaine, c'était faire écrire des articles par les chercheurs et demander à un professionnel d'écrire un article de réflexion, qu'est-ce que ça l'inspire. Ça n'a absolument pas marché, sauf deux ou trois exemples. Nos fonctionnaires particulièrement prolixes, mais dans l'ensemble, ça n'a pas marché. Et donc, l'idée, c'était plutôt de travailler avec les agences d'urbanisme et éventuellement les services des villes pour dégager les thèmes qui les intéressaient et autour de ces thèmes créer des numéros écrits par les chercheurs pour que donc il y ait un certain dialogue de fait, mais qu'il ne soit pas juste la réponse à un article, puisque ça, ce n'était pas possible. Donc on a construit comme ça des... J'ai fait ça de 85 à 2010 et on a construit donc environ 80 numéros, je dirais, dans ce truc-là. Alors là, tout à l'heure, on parlait de la neutralité du chercheur. Moi, je n'y crois pas trop à ça. Et parce qu'en réalité, la neutralité du chercheur, surtout si vous êtes dans un ministère, en fait, elle consiste à donner comme axe celui du pouvoir qui parle. Et j'en prendrai un exemple bien précis qui a été un conflit amical entre moi et Jacques Donzelot. Bon, Jacques Donzelot s'occupait de l'évaluation des politiques de sécurité, des trucs de prévention de la délinquance, etc. Et en fait, il adoptait dans son rapport l'axe politique donné par la Commission nationale, bonne maison et compagnie. Et le jour, par exemple, où on a fait un numéro des annales intitulé « Au risque des espaces publics » en montrant à travers beaucoup d'articles qu'en réalité, les mesures sécuritaires remettaient en cause l'usage des espaces publics par les habitants et que ce n'était pas vraiment utile. Jacques, il est venu m'engueuler en me disant « Je ne comprends pas qu'aux annales de la recherche urbaine, on puisse être plus libre qu'à esprit. » En fait, ça permettait à la revue d'être un instrument éventuellement de gentille provocation, hein, parce que vraiment, il n'y avait pas un montré d'intention, mais d'avoir un axe de réflexion propre qui était mené à travers les éditos et la collection d'articles, une vingtaine d'articles par numéro. Des articles toujours courts, relativement, c'est-à-dire que mon expérience, c'est que les articles à 45 000 signes issus des conférences de recherche, et là justement les professionnels, les praticiens ne peuvent pas les lire parce qu'ils s'endorment avant la fin et ils le ferment. Donc on était à 30 000 maxi, et bon, j'ai par ailleurs utilisé puisqu'on a parlé de castration tout à l'heure, une méthode dite castratrice qui consistait à raccourcir les articles, non pas en coupant un bout, mais en coupant des petits bouts à l'intérieur, et en général dans le sens de l'article, c'est-à-dire pour pousser l'article à être plutôt plus affirmatif qu'il ne l'est. Je vais donner un exemple. C'est pas un exemple, mais illustrer ce que je dis, disant quand quelqu'un dit je dirais que, mais on pourrait peut-être dire le contraire, et bien on enlève, mais on pourrait peut-être dire le contraire. Hein. Et donc on a des articles plus affirmatifs. Bon, à multitude, on le fait moins parce qu'on a la faim, on a vieilli, mais on l'a fait un peu aussi. Et alors, donc, les annales, alors c'est la mission de la recherche urbaine de Conan s'est transformée ensuite en plan urbain. Le plan urbain devait faire des expérimentations avec les collectivités locales sur le terrain. Ça a marché plus ou moins. On a tout le temps subi une espèce de pression politique régressive permanente jusqu'au jour où on a été fusionné avec le plan construction. Ça a recommencé. Et donc, maintenant, à partir de... Je saute, à partir... Et puis, oui, ça va être tout le temps. À partir de 2000, j'ai participé à la fondation d'une revue qui s'appelle Multitude, dont on a apporté au mandat numéro 66. Bon. Alors, cette revue Multitude, elle prend la suite d'une autre revue qui existait avant, qui s'appelait Futur Antérieur, si certains d'entre vous ont connu ça, qui était une revue dirigée par quelqu'un qui est décédé, qui était prof à Paris 8, qui s'appelait Jean-Marie Vincent. Et c'était une revue qui alliait les trotskistes et les négristes en termes politiques, et puis qui a explosé au moment où Tony Negri, qui était à Paris à l'époque, est reparti en Italie. Et donc, Multitude a été fondée, je dis toujours, par le millier de gens, à peu près, qui ont signé une pétition pour essayer de faire sortir Tony Negri de tôle. Et ça agglomérait un certain nombre de gens, parmi lesquels Yann-Louis Boutan, qui était le plus actif de tout ça, et des gens qui se réclament un peu, je dirais, au point de vue théorique, d'Althusser pour certains, de Guattari pour d'autres, ce qui n'est pas très, très cohérent, mais qui arrive à fondre ensemble, plus encore d'autres qui sont agglutinés, comme Yves Citon, que vous connaissez peut-être puisqu'il est prof à Grenoble, qui ne vient pas de cette histoire-là, et qui, je ne saurais pas le définir, il est tout... Et d'autre part, quelqu'un comme Frédéric Nérin qui était à Lyon et qui est lui plus dans la mouvance écolo presque dure. Donc Multitude, c'est une revue philo, politique, culture, qui, pour parler là encore très vite, donc on a décidé d'emblée d'avoir... deux dossiers principaux, un pour la majeure, donc un gros dossier avec sept articles de 30 000 signes qui décortiquent bien un problème, et un dossier plus petit, dit mineur, qui au fond décortique un sujet émergent ou des fois un petit peu marginal. Bon, différents. Et puis surtout, la revue, ce qui est assez rare en sciences sociales, a à chaque numéro ce qu'on appelle une icône, qui est en fait un dossier image fait par un artiste, un groupe d'artistes, bon, des artistes un peu politiques, qui donc mettent dans la revue, là c'est des Brésiliens dans ce numéro-là, donc une série d'images, en général non liées avec les dossiers. Alors on a rajouté avec le temps ce qu'on a appelé HO. HO, c'est donc des trucs d'actualité, parce qu'effectivement la revue, on se rend compte, c'est très difficile en fait de refaire une revue trimestrielle d'actualité. Par exemple, en ce moment, on a un problème de conscience totale, qui est que si on attend le résultat du second tour pour finir le numéro qui va paraître au moment des législatives, de toute façon, ça n'ira pas. Si on attend le moment des législatives, il ne sera pas vendu. Enfin, il faut que les gens aient un problème ridicule sur lequel on se débat tout le temps. Bon. Et puis, justement, par rapport aux élections, on a fait un petit numéro, on s'est amusé à faire un petit numéro intitulé « Ceci n'est pas un programme, hommage à Ceci n'est pas une pipe » de Magritte, qui, en fait, prend un certain nombre de thèmes de la campagne et donne nos idées dessus, comme notamment le fameux revenu universel. Alors, il y a un comité de rédaction qui se réunit à Paris, où il y a un nombre de gens... on peut aller en accordéon, par exemple lundi c'était 5 personnes, une autre fois il y en a 10, le jour de l'Assemblée générale il y en a 20 ou 30, et sur la liste imprimée il y en a plein. On peut faire un numéro sans être jamais vu, comme Anthony qui a fait donc la mineure du numéro 65, qui va pouvoir en parler. Et donc ce numéro 65, il a été fait pour la majeure par Frédéric Nera, dont je parlais à l'instant, qui a essayé de concevoir quelque chose. La démarche est assez marrante et typique de Frédéric Nera, en relation avec, d'un certain côté, ce dont tout le monde parle, à savoir le réalisme spéculatif, mais pas avec les gens qui en parlent principalement comme Quentin Meillassou, au contraire, ceux et surtout celles qui le critique en avançant d'autres arguments, comme Karen Barral et Donna Haraway, et Isabelle Stengers, etc. Donc pas mal de femmes. Alors ça donne une majeure très riche, un peu difficile à lire, un peu philo, mais bien. Et puis Anthony, tu peux parler de... Non, mais quelques mots, rapidement... On peut peut-être faire circuler les numéros, non ? Oui, tout à fait. Oui, c'est une mineure qui est née il y a quelques années dans un séminaire interne au Cresson, un séminaire interne qui était sur la question d'ambiance et politique, et j'avais fait venir Sandra Logier. Qui avait participé à ça. On était, la journée était autour de questions de fiction et politique. Elle nous avait parlé de la série The Wire, par exemple. Et il y avait aussi, moi j'étais intervenu sur Do the Right Thing, qui est le sujet sur lequel j'ai fait l'article dans cette mineure, et puis Laure Braillier également, qui était doctorante à l'époque, maintenant jeune docteur du labo, qui était intervenu dans l'article, c'est essentiellement sur The Girl Chewing Gum, un film des années 70. Donc le projet globalement de Mineur, c'est de partir d'objets audiovisuels assez divers qui mettent en scène la ville, que ce soit des docu-fictions de vidéastes, des films de l'industrie du cinéma, des séries télé, des documentaires scientifiques également, et à partir de ces objets, d'interroger le rapport que ces objets créent, que ces objets suggèrent, permettent, etc., entre des configurations sensibles, spécialement sonores et sensibilité, et notre perception de ce qui compte. Ça signifie, par perception de ce qui compte, le but était d'ouvrir un petit peu une boîte dans laquelle préoccupations morales et politiques s'entremêlent et se nourrissent réciproquement, et nourrissent la question d'un commun qui est devenu une question, une préoccupation centrale, en tout cas dans les villes contemporaines. Et l'idée d'en passer par des objets audiovisuels pour aborder cette question signifie de doter ces objets d'une capacité particulière à augmenter en quelque sorte notre compréhension de la complexité de la vie urbaine. De la même manière, par configuration sensible, l'idée est de pointer le fait qu'une large part de la vie urbaine se situe et se déploie à partir de l'attention perceptive, qu'il s'agisse de manière élémentaire de l'attention à l'environnement, environnement matériel, construit, aussi bien que social, évidemment, l'éco-présent, ou de manière plus spécifique, de l'attention à ce qui nous relie et à ce à quoi nous tenons. Et sur ces deux versants, je dirais, je peux renvoyer à un des articles de cette mineure, qui est l'article de Marguerite Villière, qui est une amie artiste, elle a rédigé son article sur les premières scènes du film de Chaplin, City Lights, où elle analyse Charlot qui est en train de se réveiller sur la statue que les officiels de la ville sont en train d'inaugurer en grande pompe. Et donc elle montre bien le lien entre cette matérialité de la ville à travers la statue et les relations de pouvoir, évidemment, qui s'y jouent à travers cette inauguration par les officiels. Donc ces thématiques sensibles et leur lien avec les urbanités ont été largement balisées par toute une tradition de la philosophie. On peut penser à Mead, par exemple, ou toute une tradition de la sociologie, évidemment, que ce soit côté de l'école de Chicago avec Park ou plus tard Goffman, ou en France avec un autre compagnon de route d'Anne, Isaac Joseph, évidemment. Ces thématiques, donc, gagneraient, c'était le pari un petit peu, à être revisitées à partir d'objets audiovisuels afin de mieux revenir sur leurs dimensions proprement sensibles. Donc l'idée de ressentir le propos sur la nature radicalement synesthésique de l'expérience audiovisuelle. Alors qu'en général, les commentaires s'attardent souvent sur la seule dimension visuelle. Et là, je peux vous renvoyer à l'article de Laure, qui a essayé, à partir d'un film, donc The Girl Chewing Gum, qui joue sur un léger écart entre image et son, hein. Et elle est partie de cet écart pour montrer comment ce sensible-là pouvait introduire une faille qui pouvait permettre de penser à nouveau frais l'expérience urbaine ordinaire. Donc voilà, ces fictions essayent de mettre en scène un commun objet de travail permanent, jamais fixé, et d'un travail de l'attention perceptive bien sûr, mais aussi évidemment de l'attention morale et ou politique. Donc le but est de s'attacher à approfondir la part proprement sensible de ces urbanités et leur portée politique ou morale. Et sur ce point-là, je peux renvoyer à l'article d'Olivier Gaudin qui vient de soutenir une thèse assez remarquable sur la ville et la perception. Son article, lui, traite d'un film qui s'appelle Le Géant, qui a été réalisé en 1982 en République fédérale allemande, et qui est un film qui est complètement formé de montage d'images de surveillance policière et de vidéosurveillance. Et ce que nous montre bien Olivier Gaudin, c'est que loin de la perspective critique qu'on pourrait attendre de ce type de montage, où il y aurait une sorte d'équivalence entre la visibilité, les vidéosurveillances et des formes de contrôle, évidemment. Lui a essayé plutôt de montrer en quoi ce film interroge nos regards de spectateurs des espaces urbains. Et il met en évidence un travail du regard qui est opéré par l'artiste dans son montage lui-même et qui pourrait préfigurer la possibilité même d'une enquête au sens pragmatiste, au sens de Dewey. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter un petit peu le but général et puis les différents articles, certains des articles qui font partie de cette mine. Comme multitude a gentiment accepté de... Et pour moi, la différence forte, tu vois, entre l'expérience des annales de la recherche urbaine et celle-là, c'est que aux annales de la recherche urbaine, bon, par la position éditrice liée donc au PUCA, avant que la recherche urbaine, donc dans une espèce de position de médiation entre l'administration, le milieu professionnel et les chercheurs, en fait, je tenais, moi, à travers mes activités de coupe, d'agencement, etc., une espèce de position de... C'était moi qui donnais du sens au dossier final. Alors que dans Multitude, en fait, chaque dossier est porté par un coordinateur qui donne son propre sens. Et bon, ça fait une espèce de, comme ça, de profusion, enfin, à mesure de 65 numéros, on est donc à 130 dossiers à peu près. Il y a eu une crise épouvantable à Multitude en 2008 quand même. C'est-à-dire en 2008, on a deux amis, Brian Holmes, qui est un critique d'art américain très politisé, et Yoshi Ishida, un japonais, comme son nom l'indique, qui avait écrit un article ensemble sur la crise économique, expliquant que ça allait rendre très très malheureux toutes les populations, enfin, un truc très très très larmoyant sur la crise économique. Et Yann Mouillet-Boutang, qui est économiste, n'est-ce pas, a corrigé l'article qui était dans un mail en rouge. Et la couleur rouge faisait deux tiers à peu près de la surface du mail final. Et à ce moment-là, tous les gens qui avaient des problèmes avec Yann Mouillet-Boutang, qui est quelqu'un d'assez, il faut dire, autoritaire, au premier moment, dans les discussions, il est insupportable. Donc, se sont tirés, d'autant qu'on a su, en fait, après, que Tony Negri essayait de les tirer pour constituer une autre revue ailleurs, parce que sa femme s'était déjà engueulée avec le comité de rédaction des numéros avant. Et donc, on s'est retrouvés avec la moitié de la revue, en même temps, bon, pour ce qui nous concerne, une non-croyance, une incroyance dans la possibilité de Tony de faire une nouvelle revue, et donc j'ai continué, compromis. Mais enfin, ça a été un peu... Et en fait, la revue a une espèce quand même... Par exemple, on voit bien que pour les élections qui ont eu lieu là, l'ensemble des gens ont à peu près voté la même chose. Enfin, peut-être pas la dernière minute, mais quand même, on a été dans la même idée, qui est sensible quand on feuillette le petit bouquin. Mais voilà, c'est pas une revue qui a une espèce de colonne vertébrale politique comme ça a pu se faire ailleurs. Bon, ceci dit, par exemple, les temps modernes ont évolué comme ça aussi, à ma connaissance. Hein, des dossiers faits par des responsables. Pendant un moment, vous avez coordonné les deux revues en même temps. Les années, c'est ça ou... Vous avez travaillé dans les deux en même temps? Oui, mais il y avait plus de monde à Multitude, parce qu'il y a une époque où on était bénis des dieux à nouveau, c'est-à-dire que l'un d'entre nous avait réussi à négocier des abonnements avec, ça s'appelait à l'époque Culture France, et maintenant ça s'appelle l'Institut français. Et donc on avait de l'argent, et le secrétariat de rédaction était assuré par quelqu'un de l'UNED, ce qui n'est plus le cas. Et au fond, ça a à peu près coïncidé avec mon départ à la retraite, la fin de la rémunération. Et sur le reste, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. J'ai envoyé à je ne sais pas qui, à l'adresse là, à faire à suivre, un fichier qui est... le texte d'une intervention à peu près sur le même sujet, enfin, excepté Multitude, que j'avais fait il y a quelques années à l'école d'archi de Zurich. J'ai pensé, c'est une, intervention pour école d'archi. Donc si je peux le récupérer, je sais. Et juste les, comment tu dis, les publics des deux régions, les personnes qui les lisent, est-ce que ça se destine au même type de public, j'imagine pas forcément. Des années de la recherche urbaine, c'est un public très archi. Et donc, quel est le. Les années de la recherche urbaine, c'est vraiment le public, comment dire, intellectuel de l'urbanisme, hein, c'est-à-dire c'est les agences d'urbanisme, les services d'urbanisme des villes, les chercheurs urbains en général. Bon, enfin, ceux qui achètent, c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc, c'est vraiment le public lié à l'action sur la ville. Les multitudes, c'est un public intello de gauche. Oui, parce que l'autre chose aussi, c'est le numérique avec tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, Multitude, comme la plupart des revues de sciences sociales, politiques, etc., est pris en charge par un organisme qui a été créé par des Belges qui s'appelle Cairn. Et qui met sur un site internet la revue avec ce qu'on appelle une barrière, bon, c'est-à-dire que pendant 2 ans, il faut payer pour lire un article. Mais au bout de 2 ans, il ne faut plus payer. Et ces articles, en fait, sauf ceux d'actualité, ne se permettent pas particulièrement. Bon, donc, en fait, les gens, ils attendent tranquillement que ce soit disponible gratos. Après, en plus, avec l'informatique, quand quelqu'un a fait un dossier, il peut l'envoyer à tous ses copains tranquilles, séparément, personne ne s'en aperçoit, et ainsi de suite. Donc, en réalité, il y a quand même une baisse de la diffusion des revues en librairie, quoi. Par contre, il paraît que les librairies qui ont piqué du nez les 2 dernières années remontent cette année. C'est une bonne nouvelle, ça. On a dit ça au dernier salon. Bon, ceux qui veulent récupérer du coup le fichier proposé par Anne Guérienne, vous pourrez envoyer un mail à Faire à Suivre, on transmettra le document. Et comment on peut diffuser ? Est-ce qu'on peut. Nous on a un blog en fait des doctorants de l'école. Est-ce que c'est un document qu'on peut mettre sur notre blog en compte rendu de la journée ou vous préférez qu'on le garde de manière restreinte Vous pouvez le mettre. Le site internet. Oui, on a un site internet propre, c'est vrai, j'ai dit tout ça, sur lequel on met les numéros avec quand même la même barrière que sur Cairn. Et puis des fois, quand on a trop d'articles, on passe un petit peu en plus, alors ça c'est très rigolo, parce que quand il y a un dossier, il y a trop d'articles pour passer dans la revue papier, ça dépasse les possibilités. On met des articles en plus sur le site, et je ne sais pas, peut-être maintenant qu'on a le webmaster de Grenoble, hein, très efficace, mais avant, en fait, ces articles en plus, qu'on considérait moins bons, se trouvaient en circulation avant tout. Et il y a des archives de futur antérieur également. Oui, il y a des archives de futur antérieur, tout à fait. Il y a des archives aussi d'Alice. C'était une petite revue sympathique de la communauté. Donc c'est une mine, ce site internet. Peut-être une question sur la revue Chimère, vous n'en avez pas parlé. Oui, c'est vrai. La revue Chimère, donc c'est une revue qui est au comité de rédaction à laquelle j'appartiens. Qui a été créé par Félix Lautari en 1986 pour en fait reprendre un peu le débat avec les analystes. Enfin, initialement, c'était ça, les analystes, les psychiatres novateurs et tout ça, avec lesquels il essayait de dialoguer et à préventer le livre du plateau, etc. Et puis, c'est une revue d'amis, je dirais, mais qui n'est pas finalement pas tellement psy, en fait. Les psys sont partis petit à petit, et donc il y a maintenant plutôt des anthropologues ou des militants politiques, des théâtreux. Et bon, c'est une revue mal diffusée. Et qu'on est allé mettre chez ERES, parce que quand même, on n'y arrive plus, quoi. Et donc, le prochain numéro porte sur Édouard Glissant, le grand poète martiniquais militant. Le précédent était sur le cinéma, justement, potentialité cinéma. Le précédent encore, je m'en rappelle déjà, c'est terrible. Oui, il y a eu un numéro sur les communautés, justement, politique des communautés. Est-ce que cet ostracisme de notre République contre les communautés correspond finalement au vécu, aux nécessités de gens minoritaires, enfin, le copain qui a animé le numéro, il est très lié au LGBT, trans, etc. Donc c'était un peu parti de là son souci, mais il y a des tas d'autres choses venant. Il y a souvent des articles qui viennent d'Amérique latine, de Turquie, enfin, des affinités des uns et des autres. Il y a eu aussi un numéro sur la subjectivité en état d'urgence. Est-ce que notre tête est transformée ou non par l'état d'urgence? Bon. Voilà, pour parler des derniers. Et donc, c'est accessible là aussi sur Kern. Et pas sur un site internet en ce moment. Il m'intéresse l'idée de refaire un site internet. Mais il y avait un site qui était très très bien fait par un copain. Sur le système Drupal. Et puis je ne sais pas pourquoi ça s'est effondré brutalement, comme quoi c'était trop plein, et même ça a disparu des écrans radars en grande partie. C'est-à-dire que si les articles n'ont pas été cités par quelqu'un d'autre, ils ne sont plus là. Alors, on fait aussi la lumière. Par exemple, dans les jambes de Chimay, il y a quelqu'un qui est au comité de rédaction d'un truc qui s'appelle Diacritique, qui est aussi dans les mêmes idées, mais qui est entièrement sur Internet. Ça, c'est aussi la nouveauté. Je ne sais pas si ça existe à Grenoble, mais à Paris, il y a un salon des revues une fois par an. Il y a vraiment une profusion de revues absolument incroyable, malgré la rumeur publique que les revues sont en très grande difficulté. Il y a des créations, par exemple, il y a une revue que je trouve assez intéressante qui s'appelle Jeff Clack, qui au point de vue politique est très proche, et qui a un fonctionnement, ils produisent une fois par an un numéro papier avec un nom qui se décline dans Marabout, coup de ficelle, celle de cheval de course, pour la prochaine, cheval de course. Bon. Et en attendant, il publie par Internet des articles faisant éventuellement partie de ce dossier sur lequel ils attendent les réactions, etc. Donc il y a une espèce de production Internet en attendant le numéro papier qui sort grosso modo pour le salon.